sûr, ça continue encore. Je dis pas ça pour que t'aies tort. Faut juste un peu replanter le décor. On se remémore nos années d'or. L'intelligence, de l'insouciance, la récompense, nos connivences. L'aventure, ça continue encore. Je monte au grenier, me taper un flipper. Et claque un score pour que t'aies peur. De te faire toller en soirée au poker. Zap la rivière si t'es bluffeur. Y'a les vannes qui fusent lancées du canapé. Pour un défi qui a raté. C'est pas lâché, y aura la revanche. T'es annoncé de façon franche. L'aventure ça continue encore. Et pour monter au plus vite au premier, passe par la fenêtre sans escalier. Y'a tant qui dansent dans cette ambiance très dense. Tant que les bouteilles sur le palier. Assis en tailleur près du cendrier. Tu pars sur ton rire déjanté. Comme nous on voit que t'es bien allumé. Halluciné, illuminé. L'aventure ça continue encore. Mais viens j'explique en route que j'en veux encore. Avec les potes, ça les potes. Et le top, c'est que ça nous dope. L'aventure ça continue encore. Assis sur toi de la sacrée de chevaux. Le vent fait lever les drapeaux. C'est la victoire de tous nos idéaux. Et nos virées au bord de l'eau. Si des jetons sont démarrés très tôt. Dès le tarot de l'apéro. Ça finira auprès de la sono. En rock pogo plutôt folklore. L'aventure ça continue encore. On joue les saltimbanques, y'a de la patate et tout le monde ranque. Mais celles qui sont emballées dans le feu, c'est de la déco, elles feront long feu. On va rester bringués jusqu'à pas d'heure, mais se relever bien avant l'heure. Saper un cross à fond, au fin fond de l'heure. Faire des virgules en bon skieur. C'est les sourires dans nos délires qu'on répartit dans un fou rire. L'intelligence, de l'insouciance, la récompense, nos connivences. L'aventure, ça continue encore.